بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل دراستنا وقراءتنا في كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما نسأله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل وبعد. Donc on va continuer, inchallah, sans plus attendre, sur l'étude des règles exemplaires concernant les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en implorant le Créateur qui nous accorde la sincérité à travers nos paroles et nos actions. Donc on est toujours sur l'étude de la septième règle concernant les attributs divins, concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on est toujours sur l'étude de la septième règle et sur la finalité de la septième règle. Puisqu'on a commencé dans les assises précédentes l'étude de cette septième règle, qui est la dernière règle que mentionne l'auteur parmi les règles concernant les attributs. Et donc ces règles qu'on a vues et étudiées concernant les attributs d'Allah Azzawajal sont d'une immense importance pour comprendre le sujet. Donc comme l'auteur nous l'a enseigné lorsqu'il a traité les règles concernant Al-Asma Al-Husna, les noms divins, en disant que les noms, on se limite au texte pour leur affirmation. De même, dans cette septième règle concernant les attributs, l'auteur nous enseigne dans son œuvre que, en ce qui concerne As-Sifat, les attributs d'Allah, on se limite au texte sacré du Coran et de la tradition du noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que les prières et la paix soient sur lui. Et donc, pour l'affirmation des attributs divins, il n'y a pas de place à la raison humaine, puisque on doit décrire Allah subhanahu wa ta'ala comme lui-même s'est décrit. C'est ce qu'on a appris dans cette règle. Sauf qu'on a dit, en ce qui concerne les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment les affirmer, on retrouve que dans les textes, que ce soit dans le Coran ou bien dans la tradition prophétique, on retrouve qu'il y a des indications. Ils sont indiqués dans les textes. Et l'auteur nous a enseigné trois catégories d'indications. C'était le cours de la dernière assise, très important pour pouvoir déduire justement ces attributs qui sont justement indiqués à travers les textes et les sources. C'est pour ça qu'il dit « Wa li dilalati al-kitabi wa sunnati ala thubuti al-sifati thalathata awjuh » Thalathatu Aoudjou. Et donc il dit trois aspects dans l'indication, dans les indications qu'il y a dans les textes du Coran et de la tradition prophétique. Al-Awwal, on a dit, lorsque premièrement les attributs sont cités et mentionnés d'une manière explicite, d'une manière claire et explicite. C'est ce qu'on appelle At-Tasrihu bil-Sifati. At-Tasrihu bil-Sifa. Ça, c'est Al-Wajh Al-Awwal. C'est la première chose. At-tasrihu bi-as-sifa. Lorsque l'attribut, là, il est mentionné de manière explicite. Comme par exemple, on a dit sifat al-izza, l'attribut de al-izza, wal-quwa, wal-rahma, wal-batch, wal-wajh, wal-yadayn, wa-nahwiha. Comme par exemple, l'attribut de al-izza, de la puissance, de la miséricorde, l'attribut de la force, de l'batch, l'attribut du visage, des deux mains et autres attributs. Ces attributs-là qu'on vient de mentionner à titre d'exemple, ils sont mentionnés de manière explicite dans les textes. C'est pour ça qu'on retrouve par exemple, et l'auteur nous a mentionné les passages dans le Coran, où il y a l'affirmation par exemple de l'attribut de la miséricorde, où Allah nous dit « Wa rabbuka al-ghafur dhu » Ar-Rahma. Et ton Seigneur est pardonneur, celui qui détient la miséricorde. Donc on voit qu'ici la miséricorde est mentionnée de manière explicite. Donc, ça indique l'attribut de la miséricorde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est détenteur de cet attribut. Et donc, ça, c'est des exemples d'attributs d'Allah Azza wa Jal. Or, les attributs d'Allah Azza wa Jal sont nombreux. On ne peut les dénombrer. Les attributs d'Allah, si on voudrait les dénombrer, on ne pourrait les dénombrer. Ils sont nombreux, comme stipulent les grands spécialistes en la matière. Là, l'auteur, il a mentionné, à titre d'exemple, des attributs qui sont mentionnés dans les textes de manière explicite. De manière explicite. Comme Al-Izza wal-Quwa wa al-Rahma. Pour bien comprendre cela, si on te pose la question, quelle est ta preuve que Allah, par exemple, détient l'attribut de la miséricorde? L'attribut de la miséricorde, il est cité d'une manière explicite dans le Coran. Allah est détenteur de la miséricorde. À lui, l'attribut de la miséricorde. C'est cité d'une manière explicite. Comme Al-Izza. Quelle est ta preuve que Allah Azza wa Jal détient l'attribut de Al-Izza, de la puissance? C'est cité d'une manière claire dans le Coran, comme dans le verset dans Sourate Al-Munafiqun, le verset 8. Walillahi al-izzatu wa li rasuli. Walillahi al-izzatu. Et Allah appartient à l'Izza, une traduction relative. Cela prouve qu'Allah appartient à l'Izza. Donc l'attribut, sifat al-Izza. Donc là, ces attributs-là, comme on vient de les citer précédemment, rentrent dans la première catégorie, at-tasrihu bi-sifa, la catégorie des attributs qui sont cités d'une manière explicite. La deuxième catégorie, on a dit, on les déduit à travers la mention des noms, c'est-à-dire que lorsqu'on voit la mention d'un nom parmi les noms sublimes d'Allah Azza wa Jal, Al-Asma, Al-Husna, dans le Coran, ça induit forcément un attribut. Ça induit forcément un attribut. Donc si, par exemple, on t'interroge sur l'attribut de, par exemple, à titre d'exemple, As-Sama. As-Sama, qui est l'attribut de l'audience, par exemple, traduction relative. L'attribut de l'audience. Mad-Dalil, quelle est la preuve? Le fait que Allah Azza wa Jal s'appelle As-Sami'a, parmi les noms sublimes, As-Sami'a. Et donc on retrouve différents versets où Allah Azza wa Jal nous dit « Wa huwa As-Sami'u al-Alim » par exemple. Et donc, le fait que chaque nom induit un attribut, donc ça c'est la deuxième forme d'indication. Comment on peut déduire des attributs d'Allah Azza wa Jal? Il y a des indications dans les textes. Première catégorie, lorsque c'est mentionné, l'attribut est mentionné de manière explicite. Deuxième, ici wajh, catégorie en quelque sorte, lorsqu'on déduit cela d'un nom divin. D'un nom divin. Troisième catégorie d'indication, at-tasrihu bi fi'lin aw wasfin dallin 'alayha. Troisièmement, c'est lorsque l'action ou bien le descriptif est mentionné. L'action ou bien le descriptif est mentionné. L'action ou bien le descriptif qui est mentionné, par exemple, tasrihu bi fi'lin aw wasfin. C'est-à-dire que vous allez voir dans les textes, parfois, c'est un acte, un fi'l qui est mentionné. Ou bien un descriptif qui est mentionné. Ça indique l'attribut. Ça indique l'attribut. Par exemple, al-istiwa. Al-istiwa, c'est le fi'l qui est mentionné. C'est istawa. Istawa. Donc c'est l'acte qui est mentionné. La mention de l'acte indique as-sifa, indique l'attribut. Ça, c'est en ce qui concerne al-fi'l. Donc à travers un acte qui est mentionné, on peut déduire l'attribut lié à l'acte. En l'occurrence, ici, dans le Coran, par exemple, on a Al-Istiwa, qui est déduit à partir de l'acte. Ar-Rahman al-Arsh Istawa. Istawa, le tout miséricordieux, s'est élevé au-dessus de son trône. De là, de fi'l, de l'acte Istawa, on déduit As-Sifa Al-Istiwa. Par exemple, dans le hadith, comme on l'avait mentionné hier, en ce qui concerne le hadith où le prophète nous dit qu'Allah descend dernier tiers de la nuit au premier ciel. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Allah descend au premier ciel. Est-ce que par exemple, donc ça, on déduit de ce texte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah descend au premier ciel, au dernier tiers de la nuit, on déduit ici l'attribut qu'on appelle sifat al-nuzul, l'attribut de la descente. Si on t'interroge, on te dit, maître Delil, d'où tires-tu? Quelle est ta preuve qu'Allah azzawajal détient l'attribut de la descente? Qu'on peut attribuer Allah azzawajal al-nuzul, en citant sifat al-nuzul, puisque nuzul n'est pas mentionné de cette manière-là. Al-nuzul, sifat al-nuzul, de cette manière-là, vous ne le trouvez pas mentionné. Comment on a déduit l'attribut al-nuzul par rapport au firl, par rapport au firl, l'acte, le fait que le prophète ça m'a dit qu'Allah descend au dernier tiers de la nuit, au premier ciel, il a sama et dunya. Et donc, si le prophète sallam nous informe de voix authentique, ce hadith-là remonte jusqu'au messager d'Allah sallam de voix authentique. On a dit la règle en ce qui concerne les attributs, c'est que on affirme pour Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'Allah azza wa jalla s'est affirmé pour lui-même et ce que son envoyé a affirmé pour lui-même. On ne troupasse pas, on ne dépasse pas les limites des textes sacrés. Le prophète, dans un récit authentique, nous dit qu'Allah azza wa jalla descend au premier ciel. Certains diront, c'est ce qui a amené certaines doctrines émergentes dans le monde musulman à nier les attributs, surtout ces attributs d'action, en disant ce n'est pas possible. En disant ce n'est pas possible, ils n'ont pas pu concevoir le fait qu'Allah Azza wa Jal descend. Il a sa main et dunya. Ils n'ont pas pu concevoir cela. Leur raison n'a pas pu concevoir cela. Donc ils ont nié l'attribut en disant ce n'est pas possible. Wa nuzul ici, donc certains l'ont nié catégoriquement. On niait l'attribut, et ça les a amenés à nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des doctrines émergentes dans le monde musulman. Et d'autres n'ont pas nié, vu qu'ils ont été sensibilisés, ils étaient sensibles à l'interdiction de nier une chose qui est citée d'une manière évidente. Ils ont eu plutôt recours à l'interprétation. Donc certaines tendances innovatrices à la spéculation et d'autres à l'interprétation. Or, depuis les premiers siècles, chez les partisans de la sunna et des enseignements du prophète Mohammed, ils n'ont jamais discuté, spéculé sur ces sujets-là ou philosophé sur ces sujets-là. Le prophète a dit qu'Allah descend au premier ciel, c'est qu'Allah descend au premier ciel. Nous l'acceptons, nous y croyons, sans nier, sans falsifier, sans s'imaginer le comment et sans donner d'égal ou de semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay, car rien n'est semblable à lui subhanahu wa ta'ala. Cet attribut-là, on l'affirme comme il sied à sa majesté et à sa magnificence. C'est-à-dire que Allah azza wa jal descend au premier ciel. Comment? Allahu a'lam. On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que cette descente-là est incomparable avec ce que nous, nous connaissons de la créature des êtres humains. Puisque le créateur est incomparable. On ne peut pas comparer le créateur aux créatures. Donc de ce fait, c'est une descente qui sied à sa majesté. En arabe, les savants disent « Kama yaliqu bi jalali » comme il convient à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Le comment, on ne le sait pas. Est-ce que ça nie le fait qu'il y a un comment? Si nous, on ne connaît pas el-kayfiyya, le comment, c'est le comment de l'attribut, on l'ignore, comme on l'a appris dans les assises précédentes. Mais est-ce que ça nie le fait qu'il y a l'existence d'un comment? Est-ce qu'il y a un comment? Naam. Il y a un comment, le kayfiyya, il y a un comment, les savants disent. Sauf que nous, on ignore le comment. Qu'est-ce qu'on connaît, nous? Le sens. Par exemple, sifat al-nuzul, c'est pas la descente de l'ordre ou de la miséricorde d'Allah azza wa jalla. C'est, le prophète Hassan nous dit, Yanzilu Rabbuna ila sama. Donc de là, on a l'acte, les savants ont déduit Sifat An-Nuzul, l'attribut de la descente, l'attribut de la descente. Ces textes-là, par exemple, ont pu poser problématique pour des musulmans qui sont venus dans les siècles après, plus tard, du fait qu'ils ont essayé de concevoir, ils ont essayé de s'imaginer le comment, du fait qu'ils n'ont pas pu concevoir cela, alors ensuite ça les a menés à nier. C'est pour ça que déjà très tôt, dans les premiers siècles, il y a eu l'émergence des doctrines justement connues comme Al-Jahmiya, qui n'ont pas seulement nié les attributs du Créateur, subhanahu wa ta'ala, mais ont nié aussi les noms. C'est-à-dire, par exemple, pour le Jahmiya, lorsqu'on dit qu'ils ont nié aussi bien les attributs, mais ils ont nié les noms divins, lorsque vous citez, par exemple, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Samir, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Muhaymin, Al-Mu'min, Al-Salam, Al-Quddus, tous ces noms qui nous sont mentionnés parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, Al-Jahmiya, dans les premiers siècles, disait, non, ça ne fait pas partie des noms d'Allah. Puisque eux n'affirmaient aucun nom. Ils niaient catégoriquement tous les noms d'Allah. Donc très tôt déjà, très tôt, dans les premiers siècles, il y a eu l'émergence justement de doctrines justement, qui ont nié aussi bien les attributs, mais pas seulement les attributs, les noms aussi divins. Comme c'était le cas de Roulat al-Jahmiya. Mais il est dit, c'était les partisans de al-Jahmiya qui ont sombré dans l'extrémisme, dans une forme d'extrémisme. Mais ils n'étaient pas seuls, il n'y a pas que al-Jahmiya, la tendance célèbre de al-Jahmiya. En l'occurrence, le leader était cet homme qui s'appelait Jahm ibn Safwan. Comme on l'a dit, plus tard, les partisans étaient affiliés à Jahm. Pour ça, ils ont été nommés Jahmiya. Jahmiya. Lui-même, sa croyance et son dogme, il l'a hérité d'un homme qui s'appelait Ja'ad ibn Dirham. C'est lui, en réalité, on va dire, la ras, le leader, justement, de cette croyance-là. Mais d'autres doctrines aussi, dans le monde musulman, niaient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme c'était le cas d'une doctrine qui se nommait Al-Qaramita. Al-Qaramita, par exemple, ou une autre doctrine qui se nommait Al-Batiniya, que vous retrouvez dans les livres ou des savants justement qui détaillent. Il y a des livres, vous pourrez trouver certains grands savants musulmans qui détaillent l'émergence de ces doctrines-là dans le monde musulman, à quel moment, en quel siècle, en quelle année, et le comment de l'apparition de la doctrine et les causes. Et les causes. Vous retrouvez certains livres très pertinents et très intéressants où ils mentionnent tout l'historique avec les leaders, ceux qui ont propagé ces doctrines. En l'occurrence, par exemple, on a Roulat al-Jahmiya et la doctrine aussi de l'Qaramita. On a al-Batiniya et d'autres qui les ont suivis. Eux, par exemple, Kanu yunkiruna al-Asma wa al-Sifat. Al-Asma wa al-Sifat. وَلَا يَصِفُونَ اللَّهَ تَعَالَى إِلَّا بِالنَّفِي الْمُجَرَّدْ عَنِ الْإِثْبَاتِ. Et eux, et ceux qui niaient aussi bien les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, eux ne décrivaient le Créateur qu'en niant. C'est-à-dire leur description, leur connaissance du Créateur, c'est dans la négation justement des attributs. Pour eux, leur connaissance d'Allah, de leur adorer, de leur créateur, c'est dans la négation. Pour eux, justement, pour reconnaître la perfection du créateur, c'est dans la négation des noms et de ses attributs. Et de ses attributs. Pour ça, il est dit, وَلَا يَصِفُونَ اللَّهَ تَعَالَى إِلَّا بِالنَّفِي الْمُجَرَّدْ عَنِ الْإِثْبَاتِ. Donc, eux, c'est leur description du créateur et dans la négation. Et donc pour cela, il s'interdisait l'affirmation des attributs divins. ويقولون إن الله هو الموجود المطلق. Et eux donc, ils croyaient ont une existence absolue. Pour eux, la croyance en Allah Azza wa Jal, c'est la croyance en une existence absolue, ce qu'ils nomment al-mawjoud al-mutlaq. Al-mawjoud al-mutlaq bi shart al-itlaq, avec à condition de croire en cette existence qui est absolue. Et donc ils conditionnent bien cela, l'existence absolue. Fala yuqal huwa mawjoud. Et donc eux, ils conditionnent à l'existence qu'elle soit absolue, de sorte qu'ils ne disent pas l'existence seulement. Ils ne parlent pas d'une existence seule. Mais cette existence-là, ils conditionnent qu'elle soit absolue. فَلَا يُقَلْ هُوَ مَوْجُودُ. Donc ils ne disent pas qu'il est forcément existant. وَلَا حَيِّ وَلَا عَلِيمُ وَلَا قَدِيرُ وَإِنَّمَا هِيَ أَسْمَى لِمَخْلُوقَاتِهِ أَوْ مَجَازٍ. Et donc, ils ne disent ni qu'il est mawjoud, ni qu'il est le vivant. Vous avez vu parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Hayy. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Hayy? Le vivant, celui qui détient la vie éternelle. Cette vie sans début, sans fin, c'est une vie parfaite et éternelle, comme il convient au Créateur subhanahu wa ta'ala. Pour eux, il n'est pas Al-Hayy. Wala hayy, il n'est pas le vivant. Wala alim, il n'est pas l'omniscient. Et il n'est pas celui qui est capable de toutes choses. Pourquoi? Parce que Al-Qadir, wala alim, vous allez vous dire, Hajib, c'est étonnant. Mais oui, puisqu'il nie l'existence des noms. Et Al-Alim, Al-Qadir, Al-Hayy, Al-Qayyum et autres, tout cela font partie des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et eux, comme on l'a dit précédemment, les négateurs, ces doctrines qui ont émergé dans les premiers siècles dans le monde musulman, enfin dans les siècles qui ont suivi les siècles qu'on a appelés Al-Qurun Al-Mufaddala, pour eux, donc, ils décrivaient le Créateur en niant et en s'interdisant l'affirmation de nom et de quelconque attribut. Et donc, quelconque attribut. Donc, pour eux, Allah Azza wa Jal, il n'est pas le vivant, il n'est pas l'omniscient, il n'est pas Al-Qadir, il n'est pas Al-Samir, il n'est pas Al-Basir. Et comme ces croyances-là, c'est repris par d'autres doctrines qui vont émerger plus tard. Et de ce fait, ces noms-là, pour eux, ce sont des noms pour les créatures. Ce sont des noms pour des créatures. Et elles détiennent un sens figuré. Pour eux, c'est du majaz. لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود. Et donc pourquoi? Eux, avec cette philosophie-là, ils se sont interdits l'affirmation des noms et des attributs parce que pour eux, il y aurait une ressemblance. Il y aurait une ressemblance avec les créatures. بالموجود, الحي, العليم, القدير. ويقولون إن الصفة عين الموصوف وإن كل صفة عين الصفة الأخرى فلا فرق بين العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك ونحو ذلك. والكلام يطول. Et en réalité, si on essaie de comprendre leur doctrine, la parole sera longue. La parole sera longue. On pourra reporter cela pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre dans d'autres assises, Inch'Allah. On continue. Donc, Allah Azza wa Jal, si lui-même il s'est affirmé des noms et il s'est affirmé des attributs, le croyant, il a entendu et obéi. Il ne peut qu'affirmer ce qu'Allah Azza wa Jal s'est affirmé pour lui-même et ce que son envoyé a affirmé pour lui. C'est pour cela que nous croyons aux attributs divins, comme nous croyons en ces noms. Donc, certains attributs, pour résumer, ils sont indiqués dans les textes sacrés. Parfois, premièrement, d'une manière explicite, comme on a dit pour l'attribut al-Izza, wal-Quwwa, par exemple, wal-Rahma, wal-Batch, wal-Yadayn, wal-Wajh, et autres. On a dit, ou parfois, avec la mention des noms divins. Donc s'il y a mention des noms divins, ça indique les attributs. Et troisièmement, lorsqu'il y a mention du fi'l ou du wasf, de l'acte ou bien d'un descriptif, ça indique l'attribut. Comme on l'a dit précédemment pour sifat al-istiwa, ou sifat al-nuzul, ou sifat al-nuzul. Ou al-wasf, on a dit par exemple, et à titre d'exemple, un descriptif comme al-intiqam. On avait parlé hier de sifat al-intiqam, on avait terminé avec cela, en disant que certains savants avaient jugé aussi que le nom al-muntaqim faisait partie des noms divins et des noms d'Allah Azzawajal, mais du fait qu'il est tiré d'un wasf, et justement du verset Inna min al-mujrimina muntaqimun, donc al-ism fa'il, certains savants, en l'occurrence comme c'est l'avis de l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, l'ont pas recensé parmi les noms divins. Parmi les noms divins. Et c'est le cas d'autres noms qu'on peut voir dans certaines listes, mais qui ne sont pas recensés par de nobles et grands savants. On continue donc pour terminer cette règle. L'auteur donc nous résume en disant إذن طرق إثبات الصفة لله تعالى ثلاثة. Donc on a trois voies. Pour résumer, il le résume d'une manière très simple. On a trois voies pour l'affirmation des attributs d'Allah Azza wa Jal dans les textes sacrés. Premièrement, comme on l'a dit, soit c'est mentionné d'une manière explicite. Deuxièmement, il dit soit c'est induit par induction à travers la mention des noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala, des noms d'Allah azza wa jal, ou bien par la mention explicite de l'acte ou du descriptif, en arabe du fi'l ou du wasf. Voilà le résumé comme nous résume Shir. Wa kada thalithu, donc regardez, il dit en arabe idhan طرق إثبات الصفة لله تعالى ثلاثة الأول التصريح بالصفة وهذا واضح كالقوة والعزة والرحمة والمغفرة كما قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم والثاني ما تضمنته أو ما تضمنه الاسم من الصفات فالغفور مثلا متضمن للمغفرة. Par exemple, donc là il réitère ce qu'on a, enfin je vous lis ce que je vous ai déjà dit en français, là on le lit en arabe, il cite même d'autres exemples, Shir, par exemple les sifat qu'on déduit à travers la mention des noms, par exemple lorsqu'il est cité al-ghafour, le pardonneur, on a l'attribut de l'maghfira, du pardon. Allah détient l'attribut du pardon, par exemple. Et pour terminer, il dit الثالث التصريح بفعل أو وصف دل عليها مثل الاستواء. لو قال قائل مثلا أنت تقول إن من صفات الله الاستواء على العرش فإن في الكتاب والسنة الاستواء على العرش أقول ليس موجودا. Regardez, là, il redonne l'exemple sur l'istiwa, par exemple, pour bien qu'on puisse comprendre, comme on l'a cité précédemment. Si une personne te dit, vous affirmez l'istiwa. Al-istiwa pour Allah. Lorsqu'on dit al-istiwa ou, dans langue arabe, c'est ce qu'on appelle al-masdar. On a le verbe, on a le ismen fa'il, par exemple, on a le nom, on a le verbe, on a le masdar. Souvent, le masdar, c'est l'équivalent du nom d'action. Al-masdar, souvent, il est l'équivalent en français du nom d'action. Al-Masdar, Al-Istiwa'u. Est-ce que c'est mentionné, comme on l'a dit, dans le Coran, dans la Sunna? C'est mentionné? Non. Non. Al-Istiwa, de cette manière, le Masdar, non. Ce qui est mentionné, c'est le fi'l. C'est l'acte. Istawa. C'est Stawa. Donc regardez. Shir, il dit, si une personne pose la question, où est-ce que dans le Coran vous trouvez le mot al-istiwa'u, comme cela? Al-istiwa'u. En l'occurrence, c'est le masdar. Où est-ce que vous trouvez? Akul, il dit la réponse, laysa mawjoudan. Le mot dit comme cela, le masdar, n'est pas présent. Lakin mawjoudun, mais il est présent comment ? ثم استوى على العرش. Dans le verset, ensuite Allah Azzajal istawa. C'est le verbe, c'est l'acte qui est mentionné. Et on a dit la règle, de l'acte on déduit l'attribut. C'est une règle. Puisque l'acte est mentionné, de l'acte on déduit l'attribut. Vous comprenez pourquoi lorsque l'auteur il a parlé des noms dans la règle, on se limite au texte, il a dit ce qui est rapporté dans le Coran et dans la Sunna, et pour les attributs, il a dit ce qui est indiqué. Parce que parfois c'est par indication. Donc lorsqu'il y a la mention du fi'l, ça indique l'attribut de al-istiwa. Donc ça c'est une règle très importante pour comprendre et maîtriser le domaine. Qala. Regardez, il dit c'est présent dans le Coran, thumma istawa 'ala al-'arsh dans le verset. Wal fi'l mushtaqqun min al-masdar alladhi huwa al-istiwa. Pourquoi ? Parce qu'il dit l'acte dérive. Bil-ishtiqaq. L'acte dérive. Dérive du masdar. Le masdar, c'est ce qu'on a dit précédemment, le nom d'action. Quel est le nom d'action du verbe istawa ? C'est le terme al-istiwa'u. Al-istiwa'u, ça c'est le masdar. وكذلك نقول في النزول والمجيء وكذلك نقول في الاتيان وانه صفه من صفات الله عز وجل et comme cela on dit pour d'autres attributs comme النزول والمجيء والاتيان قال دل عليه الفعل c'est l'acte qui est mentionné qui prouve cela هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك voilà de ce fait on a terminé là puisqu'ensuite l'auteur va citer d'autres masail, d'autres questions qui sont un peu plus complexes, mais, alhamdoulilah, on a terminé l'étude de la septième règle. Ensuite, l'auteur commence, si on peut dire de la sorte, un fasl, un autre fasl. Si on dit qu'il y a eu un premier chapitre concernant les règles relatives au nom, ensuite, un deuxième fasl, concernant les règles relatives aux attributs, maintenant il va nous mentionner d'autres règles. Donc on a appris des règles relatives au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour bien synthétiser, schématiser. Ensuite, dans le deuxième fasl, si on peut dire fasl, on a appris des règles concernant les attributs. L'auteur maintenant va mentionner des règles, d'autres règles, regardez, concernant les preuves des noms et des attributs. Donc maintenant, ces règles qu'il va mentionner, c'est très important. Ça sera des règles concernant les preuves liées ou concernant les noms et les attributs. Qala qawaid fi adillatil asma'i wa sifat. Très important. Pourquoi ? Parce que beaucoup de lecteurs, même d'érudits, de penseurs, de théologiens, lorsqu'ils ont été face à des textes et des preuves concernant les attributs, alors ils ont pu avoir recours à l'interprétation ou mal comprendre ces textes-là. Donc l'auteur va nous donner des règles concernant l'approche, concernant la compréhension des textes liés aux attributs et aux noms. Et ça, c'est très important. Vous avez compris, première partie, on a appris des règles concernant les noms. Deuxième partie, on a appris des règles concernant les attributs. Donc, il faut les réviser. Troisième partie, là, on va apprendre des règles concernant les textes. Vous allez voir, c'est très pertinent et intéressant. Est-ce que vous voulez qu'on commence le début ou on s'arrête là ? On prend le début. Taïb, on essaie de prendre 5 minutes. قال المصنف رحمه الله تعالى قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى. Donc les règles concernant les preuves liées au nom d'Allah Azza wa Jal et attributs. Comme on va apprendre, vous allez voir, Les textes concernant les noms et les attributs d'Allah Azzajal sont des textes des preuves spécifiques. Pour cela, les grands savants, les grands théologiens musulmans nous enseignent des règles justement pour avoir une bonne approche et une bonne compréhension de ces textes. Il va mentionner donc une première règle. Il dit « Al-Qa'adatul Ula », la première règle. « Qala al-adillatul lati nuthbitu biha al-asma'u lillahi ta'ala wa sifatihi hiya kitabullahi ta'ala » وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى في أو من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته وما ورد نفيه فيهما وجب نفي مع إثبات كمال ضده وما لم يرد إثباته لا نفيه فيهما ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. Donc vous allez voir, cette première règle est très importante. Premièrement, il dit les preuves. Donc là, on va parler, il cite hein, le terme en arabe « al-adillatu ». « Al-adilla », c'est le pluriel de « délil ». De « délil », donc « les preuves ». Les preuves à travers lesquelles, donc je vous traduis littéralement, les preuves à travers lesquelles on affirme, nous affirmons les noms d'Allah Azza wa Jal et ses attributs, sont son livre, sa parole, c'est-à-dire le noble Coran, et la tradition de son envoyé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De sorte qu'il dit, فَلَا تُثْبَتُ أَسْمَاءُ اللَّهِ. De sorte qu'il dit, il ne peut être affirmé de nom d'Allah azzawajal ou bien des attributs, si ce n'est par le Coran ou la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est ce qu'on a appris précédemment en disant que l'affirmation des attributs et des noms, c'est tawqifiyya, comme on l'a cité précédemment. Wa ala hadha, de ce fait, regardez ce qu'il va dire dans cette première règle. De ce fait, wa ala hadha, fama warada ithbatu lillahi ta'ala. La règle donc est ce qui nous est mentionné, rapporté dans le noble Coran au sujet du Créateur, ou bien dans la Sunna, dans la tradition du prophète, wajaba ithbatu. Ce qui est affirmé dans les textes du Coran de la Sunna, il est donc une obligation, il incombe au croyant et à la croyante, de l'affirmer. Pourquoi nous affirmons ces noms et ces attributs? Puisqu'ils sont affirmés dans les textes sacrés. Donc du fait qu'ils sont affirmés, nous les affirmons. Là, je vous lis le texte. On n'est pas encore rentré dans le commentaire et l'interprétation des propos. Là, je vous lis le texte en lui-même, l'écrit du shir de sa plume. Ensuite, il va commenter ses paroles. Pourquoi? Parce que vous allez voir, c'est une règle très importante. Mais de même, il dit ce qui est affirmé donc dans les deux sources, il est une obligation pour nous de les affirmer comme nom et attribut. Par contre, ce qui est nié, parce qu'il y a des attributs qui sont niés au sujet d'Allah Azza wa Jal. Par contre, il dit, ce qui est nié dans les deux sources, il est une obligation pour nous aussi, nous incombe de les nier. Donc on a aussi bien des attributs à affirmer, ce qui est affirmé dans les deux sources, mais aussi bien des attributs à nier. C'est-à-dire qu'on retrouve dans les textes sacrés les attributs affirmés, nous les affirmons. Et on retrouve des attributs niés. Nous les nions. C'est pour ça qu'on avait appris dans des chapitres précédents qu'il y a deux sortes d'attributs. Il y a les attributs affirmés et les attributs niés. Al-thubutiyya, on avait dit al-sifat al-thubutiyya, ce qu'on appelle les attributs al-thubutiyya, affirmés, On avait dit aussi, on peut traduire d'affirmation, ou en sifat ou salbiya, et les attributs niés, de négation. Par contre, donc affirmer ce qui est affirmé dans les deux sens, on affirme comme c'est venu dans les deux sens. Par contre, on a dit nier ce qui est nié dans le Coran et dans la tradition, on nie, mais avec quelque chose. Lorsqu'on nie l'attribut, on appelle l'attribut nié. Sifat salbiya. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, arsent, affirmer de la même manière l'opposé, en affirmant l'opposé parfait. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a nié pour lui, par exemple, al-maut, la mort. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Il a nié aussi pour lui la somnolence, le sommeil, comme il a nié aussi alladhi la yamut, celui qui ne meurt pas. Vous avez vu, ça, ce sont des attributs niés. On affirme par la même manière l'opposé. C'est-à-dire lorsque Allah Azza nous dit alladhi la yamut, celui qui ne meurt pas, donc on nie l'attribut de la mort. Cette caractéristique-là, on la nie pour le Créateur. En affirmant son contraire, al-haya, arsent, la vie éternelle, la vie parfaite, comme il convient Allah Azza wa Jal, sans début, sans fin, une existence éternelle. Allah a toujours été, et il sera toujours, subhanahu wa ta'ala, glorifié soit-il. Par contre, ensuite, il nous dit, وَمَا لَمْ يَرِدْ إِثْبَاتُهُ وَلَا نَفْيُهُ فِيهِمَا. Par contre, maintenant, il y a des choses qui ne sont pas mentionnées. Qu'est-ce qui n'est pas mentionné? Parfois, il y a un attribut, ni l'affirmation elle est mentionnée, ni la négation. Parfois, un attribut, ni al-ithbat, est venu dans les textes sacrés, c'est-à-dire l'affirmation, ni la négation. Qu'est-ce qu'il faille faire? Là, je vous lis le texte, ensuite on prendra l'explication, puisque l'auteur va nous l'expliquer. Il dit « Wajabat tawakufu ». Il dit « À ce moment-là, il incombe de s'abstenir. » De s'abstenir. On s'arrête. « Fi lafdhihi », c'est-à-dire on ne déclare rien. On s'abstient. De nier ou d'affirmer. Parce que ni l'affirmation est venue, ni la négation de l'attribut est venue dans les textes. Fala yuthbat wa la yunfa. Ni on affirme, ni on nie. C'est ça tawakuf. Tawakuf, le fait de s'abstenir de l'affirmation et le fait de s'abstenir de la négation. Li adami wurud il ithbati wa nafyi fihi. Du fait qu'il n'y a pas la mention dans les textes sacrés ni de l'affirmation ni de la négation. Donc on va se quitter sur ça. Là, je vous ai lu et traduit de manière relative la parole de l'auteur. C'est le début de la première règle. De la première règle liée aux preuves. Vous allez voir dans la prochaine assise, si Allah nous le permet, on prendra l'explication. Donc ce qui est mentionné est très pertinent et il faut bien le comprendre, c'est ce qu'on va essayer on s'efforcera de faire dans la prochaine assise, Inch'Allah. C'est pour ça, faites la distinction. Faites la distinction parfois, lorsque vous lisez par exemple le texte, l'œuvre en elle-même et le commentaire. Et le commentaire. Parfois, il y a des œuvres en réalité qui sont très complexes, qui demande un certain niveau pour pouvoir bien les comprendre, Et donc, ça demande d'avoir étudié des épîtres et des livres avant, pour pouvoir justement étudier ces œuvres. Comme par exemple le Dongm de Tahawiyya. Par exemple, Aqidat al-Tahawiyya. Pour bien comprendre al-Tahawiyya, il faut justement préalablement avoir étudié d'autres livres. D'autres livres comme Al-Wasitiyya, par exemple, et d'autres épîtres concernant la croyance, pour qu'on puisse bien comprendre les questions, en réalité, qui sont soulevées par l'auteur. At-Tahawi, dans sa Tahawiyya. Sauf que, Si vous lisez le texte en lui-même, dans la majorité des passages de la Aqidah al-Tahawiyyah, vous lisez juste le texte, l'œuvre elle-même, elle est claire. Elle ne va pas forcément vous poser problématique. De là, vous allez vous demander, mais pourquoi cette œuvre, par exemple, fait partie des œuvres qui peuvent être complexes et des œuvres justement qui demandent à revenir à des commentaires, des interprétations et des explications. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on lit juste l'œuvre, on ne va pas forcément percevoir l'essence et le voulu de l'auteur, ce dont il fait allusion. Vous lisez, c'est clair. Sauf que ce qui est complexe, c'est le commentaire. Parce que dans le commentaire, c'est là que les grands savants développent et expliquent le voulu de l'auteur. Et là, lorsqu'on commence à rentrer justement dans les détails et le voulu de l'auteur, et dans l'explication de cela, c'est là qu'apparaissent, justement, c'est là qu'il faut avoir une certaine compréhension. Parce qu'en réalité, à première lecture, ça va, on ne va pas peut-être le percevoir. Mais en réalité, ce que sous-entend l'auteur sont des questions très importantes, liées justement au dogme. C'est pour ça que celui, par exemple, qui va lire l'Aqidah al-Tahawiyyah, il peut le lire, il va lire les points, il ne va pas forcément voir de choses complexes et difficiles. Par contre, si là, il veut lire le commentaire, on lui dira, avant de rentrer dans le commentaire de l'Aqidah al-Tahawiyyah, tu dois étudier d'autres livres avant, préalablement. On voit, sinon, la personne risque de certains passages de ne pas comprendre. Il y a des questions qui sont immensément complexes. Et si la question, on lit le texte, on ne verra pas que cette question elle est complexe. On va la lire. Par contre, si on commence à rentrer dans le commentaire, là, le lecteur risque de ne pas comprendre. Et donc, c'est là qu'il faut faire attention lorsqu'on lit des commentaires. C'est pour ça qu'il faut avancer progressivement dans le domaine. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Et pourquoi je vous disais ça ? Parce que justement, l'étude de ces règles nous permet ensuite de bien comprendre les sujets qui vont être développés dans d'autres livres. D'où la pertinence et l'importance d'étudier ces règles. Si on comprend bien, on assimile bien ces règles-là, ça nous ouvre la porte pour ensuite comprendre d'autres livres dans le domaine. Et ça va vraiment, vous allez voir, ça va vraiment, à l'étude de ces règles-là, ça va vraiment vous ouvrir vraiment les portes. C'est pour ça que Cheikh a rédigé ces règles-là. Ça va ouvrir les portes à la compréhension de livres qui viendront ensuite. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.